Plus surprenant encore, vous avez eu une enfance. Observez maintenant un enfant de 7 ans qui joue avec ses petits soldats sur le tapis du salon. Je vous demande de l'observer avec attention. Depuis le divorce, il n'a plus de père. Il voit assez peu sa mère qui occupe un poste important dans une firme de cosmétiques. Pourtant, il joue aux petits soldats et l'intérêt qu'il prend à ses représentations du monde et de la guerre semble très vif. Il manque déjà un peu d'affection, c'est certain. Mais comme il a l'air de s'intéresser au monde. Man, we have to put everything on the album. We gotta put a lot of material on the album. It's stupid. Yeah, I agree. But we gotta put it on the album. We gotta fill space. Yo, we gotta fill space on the album, okay? Okay? Mark. We gotta fill space on the album, so let's just do it. Mars wears a tight jeans, Mars you are, won't be seen. Say the mind, put the strength, don't you ginger at the fate. No, I'm not a fashion eye, try to follow next to trend. No, I'm not a parasite, so you're the fashion eye. Yeah, you live in Georgetown. Thank you. a satin dress with an elastic binding. I wanna snap them off you when we reach the landing. A tender moment, don't let nothing spoil it. I saw your fanny as we reached the toilet. Vous aussi, vous êtes intéressé au monde. C'était il y a longtemps. Je vous demande de vous en souvenir. Le domaine de la règle ne vous suffisait plus. Vous ne pouviez vivre plus longtemps dans le domaine de la règle. Aussi, vous avez dû entrer dans le domaine de la lutte. Je vous demande de vous reporter à ce moment précis. C'était il y a longtemps, n'est-ce pas ? Souvenez-vous, l'eau était froide. Misery lies at the heart of control. We'll be right back. got bedroom eyes in the shifty. Yeah, I know, I know. But she's got a little pout and she's pretty, so I won't let go. Getting on out here. Ce que je vais vous raconter s'est passé il y a déjà plusieurs années. Vous avez sans doute oublié quelle était la situation générale ici à cette époque, mais je ne l'oublierai pas de sitôt, et même je crois que je ne l'oublierai jamais. Je suis entrepreneur et le plus jeune associé de la Craig Borland Engineering Company. Je l'étais déjà au moment où se sont passés les événements que je vais vous conter. Rien dans mon domaine ne marchait. Dans les autres domaines commerciaux, dans votre affaire à vous peut-être, ça marchait tout doucement, mais assez quand même pour qu'on puisse payer le personnel s'il acceptait de ne pas exiger le mois double à la fin de l'année. Mais chez moi, rien, absolument rien. Durant 3 ans, nous sommes restés assis les pieds sur nos bureaux à lire des journaux. Puis, quand nos secrétaires nous ont quittés, nous avons occupé notre temps en répondant nous-mêmes au téléphone. Ensuite, nous n'avons même plus eu cela à faire car le téléphone ne sonnait plus. Nous sommes cependant restés là, choisissant les journaux hebdomadaires, de préférence aux mensuels, parce qu'ils arrivaient plus fréquemment. We'll be right back. tout allait si mal que lorsqu'un jour mon associé Craig est entré dans le bureau pour m'expliquer en rigolant que quelque part dans le Connecticut, un type désirait qu'on lui construise un poulailler, nous sommes regardés un instant, puis du même geste, nous avons mis nos chapeaux sur nos têtes et nous nous sommes précipités vers la gare centrale. Nous désirions tellement obtenir cette commande que nous n'avons même pas pris le temps de téléphoner au type. Nous lui avons construit ça pour presque rien, et je crois qu'il n'existe pas un autre poulailler semblable au monde. Il est en béton conditionné, avec contrôle électrique pour la température, irrigation automatique, installation pour 5000 volailles, le tout pour 3000$. Notre part était de 300. Mais qu'importait, c'était enfin quelque chose à faire. Seulement lorsqu'ensuite le poulailler a été terminé, Craig est allé s'enfermer dans une ferme à la campagne et moi je suis resté seul. Je vous demande de vous souvenir de cela, car si j'ai agi comme un fou, c'est beaucoup parce que tout s'y prêtait. Je n'avais rien à faire. Je n'avais personne à qui parler de mon travail. Si vous trouvez que je suis allé trop loin, rappelez-vous ces pieds qui glissaient sans arrêt sur le dessus du bureau, car ce que nous subissions alors, ce n'était pas une guerre comme celle de ces dernières années, c'était seulement ce que l'on a appelé la dépression. Been there once, not been twice. You should take my advice. She's the best that you've had. You get violently mad. And I can't sit and watch you fade away now. I won't die for you. No way now. 'Cause the sun always Il était à peu près 4h30 ce jour-là, lorsque j'ai décidé que j'avais fini de travailler, si l'on peut dire, et que je suis parti chez moi. Notre affaire se trouve dans une bâtisse réaménagée de la East 35th Street. Elle comprend un atelier de dessin au premier étage, les bureaux au second et les magasins au troisième. L'immeuble nous appartient et déjà à cette époque, il nous appartenait. Ma maison est située dans la East 84th Street et c'est une vraie maison, pas un appartement. Elle est à moi et elle était déjà à moi à ce moment-là. J'ai donc résolu de marcher et en longeant le parc, je suis arrivé chez moi vers 5h30. Mais j'avais oublié que c'était mercredi, le jour de Doris. Dès l'entrée, j'ai entendu des bavardages et j'ai juré en moi-même, mais que pouvais-je faire ? Je me suis brossé les cheveux et je suis entré. Toujours les mêmes. Un ménage de cousins de Doris, trois femmes du centre social, une femme qui revenait de Russie, deux abonnés de l'opéra, le tout agrémenté d'une demi-douzaine de maris et de fils. Ils étaient tous inscrits dans le bottin mondain, tous si intellectuels qu'ils en avaient l'air stupides, tous riches et tous 100% idiots. Ils faisaient partie de cette spécialité de crétins si particulière à New York. Elle peut vous abuser un instant si vous ne la connaissez pas, mais cela ne l'empêche pas d'être imbécile. Moi, je suis aussi dans le bottin mondain, mais je n'y étais pas avant d'être marié avec Doris, et celui qui m'y a inscrit doit me considérer comme un faux frère. Parlez-moi plutôt par exemple d'un type comme Craig. C'est un paysan de Rubenville. Il n'a jamais entendu parler du bottin mondain, il ne reconnaîtrait pas la culture s'il la rencontrait dans la rue. Mais c'est un ingénieur de première bourre quand même. Il a dessiné plusieurs ponts d'une grande beauté, d'une beauté dont ces crétins ne soupçonnent pas l'existence. Les amis de Doris ont été partout, ils ont tout lu, ils connaissent le monde entier. Je suis même convaincu que parfois ils font des choses sensées, de même que lorsqu'ils donnent de l'argent pour quelque affaire, c'est qu'elle en vaut la peine. Mais je ne les aime pas et ils ne m'aiment pas. Little baby, let me hold you real tight. I'm gonna give you my loving, oh, with your hold of my mind. Yeah, I got nothing and I got a dime, but that shimmy shine, love you pretty out of time. I give you king of size love. I'm the number one lover with all the girls in town, but then with you, my honey, I wanna settle down. I could never hurt you with a revenge wine, but I'm under your spending and my hands are tied. I give you king of size love. Take it. Kick your size low. Love. I give you king of size love. I give you king of size love. I give you king of size love. King size love. What's all looks outdated. 60s flicks are overrated. 60s flicks look so dated. Push round the mulberry bush. That's what it's all about. Néanmoins, j'ai fait le tour du salon et serré des mains. Rien ne m'a paru anormal jusqu'à ce que j'aperçoive Lorenz. Lorenz avait été, avant notre mariage, le professeur de chant de ma femme. Il était depuis allé en Europe et j'ignorais qu'il fût de retour. Je ne sais pourquoi d'ailleurs, son nom n'était pas très souvent prononcé dans la maison. Je dois avouer que Doris est férue d'opéra et que dès les premiers mois de notre mariage, ce qui amena des brouilles entre nous, ce furent ses allusions à la grande carrière qu'elle avait sacrifiée pour m'épouser. Je lui répétais qu'elle ne devait rien abandonner pour moi et qu'elle devait continuer à travailler son chant. Elle n'avait alors que 19 ans et il était évident qu'elle avait un bel avenir devant elle. Mais elle répliquait que le premier devoir d'une épouse, c'est de rester à la maison. Lorsque Randolph arriva, puis Evelyn, je me dis qu'après tout, elle avait raison. Mais cela ne fit qu'envenimer les choses. Je devins celui qui avait brisé sa carrière, celui qui ne pensait qu'à lui, tandis que Lorenz, lui, était fou de sa voix. Elle aurait bien dû l'écouter. À tel point que j'en eus assez, et bientôt, on ne prononça plus le nom de Lorenz devant moi. Cela m'allait parfaitement. Je n'avais rien contre lui, mais son nom amenait toujours des discussions, et moins j'entendais parler de lui, plus j'étais tranquille. Just so watching me squirm. Didn't care he went too far. Look at him now, all alone should learn. He's an angry young man and he's about to explode. Don't push him too far or he might lose his cool. He's a stubborn little prick with a bad attitude. He's a one-man army with an itty-bitty fuse. A stepping on toes that'll never grow back. Sam on, who's driving you and Murphy at stake. Hold down and toss some peanuts, hope one day he'll go away. Keep preaching all the nonsense, catch kids inside the trap. Come around, your skin just crawls and make you wish that you were dead. Taking the blame, locked inside, just go down. Feeling the pain, tables turn, it's time to burn. Watching you squirm, didn't care, you went too far. Look at you now, you're all alone, you should learn. About to explode. Don't push him too far or he might blow his load. He's a stubborn little prick and he's laughing at you. Ha ha! Your mom said you were running away. I'm through being a slave. We're sorry we wasted our time on your punk planet. I'm gonna go as far from home as I can get in outer space. Where are we now? We're about 300,000 miles from Earth. See it on the rear screen? Cependant, je suis allé vers lui et j'ai remarqué qu'il était devenu tout gris depuis que je ne l'avais vu. Il était plus vieux que moi, de 5 ou 6 ans. Il devait avoir 40 ans à peu près. Il était né en Amérique, mais il était le fils d'un Autrichien et d'une Italienne. Il était mince, portait une petite moustache de taille moyenne, et ses épaules se rejetaient en arrière d'une façon qui évoquait l'Europe bien plus que les États-Unis. Je lui ai demandé depuis combien de temps il était de retour. Il m'a répondu « 2 mois ». Et je me suis exclamé « Oh, c'est bien !» Je lui ai encore demandé ce qu'il avait fait à l'étranger et il m'a expliqué qu'il avait conduit l'Opéra de Berlin et je me suis encore exclamé « Oh, c'est bien !» Cela m'a paru être le maximum. Je me suis retrouvé seul, admirant Doris, tandis que, debout, elle servait à boire, les yeux brillants et 2 taches roses au jour. I've got a gun in my mouth, I'm feeling mean. Before I pull the trigger, I just wanna scream. Why ain't I happy, knocking high, little people talking to me. Standing on the edge, my life is so rough. The money isn't free, and I don't get enough. I'm just a mama's boy, my dad is on my back. They tell me what to take and they tell me how to act. I'm living in another world, a place of its own. In the back of my brain, it's a home of its own. It's like a padded cell, all with an open door. Every time I come out, I just wanna come home. I should race to heaven, and I'm jumped the gun. The day that I've died, the day that I've won. I'm living in I drive the world to place of its own. In the back of my brain, it's all of its own. It's like a padded cell, all with an open door. Every time I come out, I just wanna come home. I answer race to heaven, and I'm jumping dead. The day that I've died, since I fucking won. Talk the talk. Do you walk the walk? Die with your boots on, die with your boots on, die with your boots on, die with your boots on, die with your boots on, die with your boots on, die with your boots on, die with your boots on. Hard, gonna do it the right way, not fall for the shit. I wanna do it correct. I wanna knock down the walls, gonna build me a mountain. Live in the now and leave with respect. Die with your boots on, die with your boots on, die with your boots on, die with your boots on. Run, you can hide, one day they will find you. Gonna see who you are, they're gonna laugh in your face. You're the pick of the week, your heart is so stupid. Lying to them all, never see your fate. No time to change it, you went off the deep end. Open your mouth and you stepped on your tongue. Wish you were different, wish you could wake up. You made your bed and integrity's gone. Die with your boots on, die with your boots on. Die with your boots on, die with your boots on. Die with your boots on, die with your boots on. Die with your boots on, die with your boots on. Prosecution for excuse to get away. When murdering your spouse becomes okay. What's this land made for you and me? Made for you and me. Knuckleheads made from the greedy pepper murders who are worse than thieves. Where one record label runs the whole fucking city. What's this land made for you and me? I don't think so. This street is your horse street, and this street is my high street. From the rundown buildings and graffiti on the wall, where you don't look back when your name is called. But the rich get richer and the poor get poor. They say the big one's gonna come and finally end it all. What's this place designed for you and me? I think not. Bien entendu, ce qui l'excitait tellement, c'était qu'elle allait chanter. Alors, je me suis installé sur une chaise un peu à l'écart. J'ai pris soin d'avoir une place pour mon verre, afin de pouvoir le poser vite et applaudir dès qu'elle aurait terminé. Je ne sais pas ce qu'elle a chanté. À ce moment-là, je ne reconnaissais pas une chanson d'une autre. Elle s'est mise en face de nous, le coude appuyé sur le piano, et elle a jeté sur nous un coup d'œil, comme si nous étions une vraie salle de concert. Puis elle a commencé. Quelque chose m'a agacé. C'est l'espèce de répétition à mi-voix qu'elle a faite avec Lorenz avant de commencer. Nous étions là, retenant notre souffle et l'attendant, tandis qu'elle, penchée vers Lorenz, écoutait ce qu'il lui murmurait. Il a posé brusquement deux accords et elle a incliné la tête. « Il n'y a pas de quoi s'énerver, songerez-vous. Elle était anxieuse et ne le cachait pas. Or, pendant les 7 ans que j'avais été marié avec elle, je n'avais jamais eu d'elle un mot qui ne fût étudié. Et voilà qu'avec ce type, elle ne jouait pas la comédie. » When you know it's just a lie. Our chemistry is poison. You're choking me with spit. You white trash with his whore. Welfare recipient. Used them and abused them. Costed people's lives. Keep on having children, bitch. You're going down in style. You dig your way to China with a crack pipe in your mouth. Keep on chasing happiness. You're the queen of the trailer park. Stroke the devil's penis, you take his breath away. Shock-infested waters, your face repulses me. You're flirting with disaster, you're this enough for death. You're evil and you're dirty, your mother hates your guts. And you don't give a damn. Body, you annoys me, cuts like razor blades. Cross my heart and hope to die, I wish you'd go away. Ball of broken promises, your life is a train wreck. I'd like to chop you up in pieces and piss in a hole in your neck. Take you down to Mexico, baby, and stuff you wearing shit. It'd be a good day in hell. It's a solution. Happy solution. Simple solution, but it is not real. Woo! Think I said that you're the one that really doesn't get it. Look into your face, yourself, and you just can't admit it. Walk around your seat so high you truly just don't see it. Point your finger, that's the one when you're the one that did it. Stares at me, jokes on you, but you don't see the way you live. I would not trade. You're miserable and should be dead. Place yourself upon the shelf of normal like you're seated. Because I'm actually such a mess. Your TV is your teacher. Neighbors all look up to you. Your house is so tidy. Pressure TV times a day. You're living high and mighty. Think you say so loud and clear, but no one really listen. Hate your life. You need to write the point time you are missing. Jokes on you, but you don't see the point in it. You're the one that stares at me. The jokes on you, but you don't see the way you live. I would not trade. You're miserable and should be dead. You waste your space, you're all alone. The lights are on, but no one's home. Isolation at its best. You're on your own, so ignorant. Tears of anger, drink of sorrow. It's not written in some cave. Things are changing every day. People that don't like it go to hell. What you say I don't believe. I'm gonna do it my own way. The way you live it just don't float my boat. If you were Pinocchio, your nose would grow and grow and grow. The lies you tell turn plastic into gold. What you say I don't believe. clown now? I said, who's a clown now? You! Situation came unsighted, cost so much, but such bad timing. Innocence don't mean a thing, they'll make you pay. It's highway robbery. Not enough, man. It's making me ill. It's highly unlikely this vision is real. Les invités sont partis vers 6h30 et j'ai préparé un autre cocktail pour nous deux. Tandis que nous habillions pour aller à un dîner que nous avions accepté, quand je suis monté dans la chambre, Doris était étendue sur la chaise longue, vêtue seulement de son soutien-gorge, de sa culotte, de ses bas et de ses souliers à haut talon. Elle regardait vaguement par la fenêtre. Cela annonçait du vilain. Doris est pudique comme une japonaise. Elle semble toujours s'enrouler dans son kimono pour qu'on n'aperçoive pas, ou juste un petit peu, ce qu'il y a dessous. Mais dès qu'elle a quelque chose qui ne va pas, elle montre tout ce qu'elle a. Et je dois avouer que c'est un chic. Un sculpteur pourrait la couler en bronze pour un 42 parfait, il n'aurait rien à retoucher. Elle est mince, mais pas trop. Elle a des cheveux à cajou foncé, des yeux verts, une expression triste, mais qui va avec son type. C'est le genre de femme qu'on a toujours envie de prendre dans ses bras, mais si on se laisse tenter, si c'est au moment où elle fait la roue, c'est la plus belle gaffe que l'on puisse faire. Elle frissonne et tremble. Elle devient alors si fragile qu'elle ne peut même pas supporter qu'on la touche. Alors on reste stupide et c'est elle qui gagne. you're a clown. My, oh my. With all your eyes out on the plan, where I can see you move your hands, you hijack all the shit you can, and your little kingdom going to end. Oh my poor clown. Well, don't you know your money's gone? My poor clown. Go clown, go clown. The sun is dragged out from the west. I tell you what, you should delight. We're free, horizons are so bright. Je ne l'ai donc pas touchée. J'ai servi deux verres et j'en ai déposé un près d'elle. Elle a continué à regarder par la fenêtre. Au bout d'une ou deux minutes, elle a aperçu le verre et elle l'a regardé comme si elle ne pouvait concevoir ce qu'il représentait. Ça aussi, c'était un signe que ça n'allait pas, car Doris aime bien boire un cocktail, tout comme vous et moi, mais d'une façon raffinée et élégante toujours. guy. Once you see this deal, man, blow your mind. Come on. Most recent album was named the best rock CD of the year by Time Magazine. I have a copy of it right here. They will be out on the big Lollapalooza tour this summer, as will I. I'll be on that tour.

Vous pensez peut-être que c'était là les paroles d'une chic petite femme qui, lorsque son mari une rude bataille a livré, vient se mettre à ses côtés. Mais ce n'était pas ça du tout. D'abord, Doris m'a toujours un peu snobé depuis le début de notre mariage, à cause de ma famille, à cause du fait que je n'étais pas suffisamment brillant pour comprendre les gens raffinés qu'elle fréquentait. À cause d'ailleurs de n'importe quoi. Mais il y avait une chose qu'elle n'avait jamais pu dire. J'étais des deux celui qui travaillait, celui qui rapportait de l'argent, et beaucoup, et ce dont sa chère famille ne pouvait pas se vanter. Et ce qu'elle disait maintenant prouvait seulement qu'elle venait enfin de trouver une nouvelle raison de me dominer. Si elle voulait reprendre son champ, c'est qu'elle en avait envie, mais cette raison ne lui suffisait pas. Il fallait qu'elle me harponne encore avec ça et qu'elle le fasse là où cela devait me blesser. Ensuite, avant de mourir de faim, nous avions des économies que j'avais placées dans une banque sérieuse et qui nous assuraient au moins 3 ans d'existence confortable. De plus, si les affaires allaient encore plus mal, il nous reste encore la maison, ma part dans le building Craig Borland et enfin 2 propriétés qui appartenaient à notre société. Je n'avais donc jamais demandé à Doris de réduire les dépenses de la maison d'un centime, de changer son train de vie ou d'abandonner quoi que ce fût dont elle eut l'habitude. Ce qu'elle racontait, c'était donc de la frime et cela m'a fait voir rouge. J'ai essayé de me contenir, mais je n'y suis pas parvenu. De l'avoir étendue là, dans une pose de cygne mourant, avec ce noble regard dans les yeux, alors qu'au fond elle n'avait qu'une idée, me rendre complètement ridicule et stupide, cela m'a monté à la gorge. We'd like to do a song for our friend who's no longer here on this earth with us, Mr. Dennis Donnell. And I won't bore you with a long speech, except for the fact that he was a very good friend. And basically the moral support of this band. When everything was falling apart, you count on old Dennis to help you out. And it just makes you think that, you know, you think your friends and your loved ones are going to be there forever, and 1 minute they're gone. Forever. This song's called Don't Take Me For Granted. Jacket. I'm the volume in your fucked up teenage band. A pack of smokes and a six pack. I'm the dreams you had walking down railroad tracks, you and me. I'm your first taste of romance. Forever. Dave Grohl, Zach Brown, Foo Fighters collaboration. They're doing a Black Sabbath song, and I'm told that this particular song is not on the CD, but it's just something a little special. But we're not telling Zach that it's not on. Don't tell Zach. Okay. Whoops, I've gone and done it again. Ah. Dang it. As promised, we are pleased to present a unique performance featuring one of the guest artists from both the forthcoming album and the new HBO series, Foo Fighters, Sonic Highways. The album in stores November 10th. Singing now, a Black Sabbath song, Zach Brown, Foo Fighters, everybody. Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, with sorcerers' death construction. Bodies feel the bodies burning as the war machine keeps turning. Hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah. darkness world stop turning. Houses where the body's burning. Begging mercy for their sins. Satan laughing spreads his wings. Black Sabbath, Foo Fighters. I don't know. So what do you kids want from me? No, yeah. Sonic Highways in stores November 10th. And Dave and everybody will be back tomorrow night. Thanks for watching. Good night, everybody. Now, stay tuned for great. Cela m'a échappé. Elle n'a pas répondu et je me suis mordu les lèvres. Oh oui, je me suis mordu les lèvres parce que je savais très bien pourquoi elle s'était mariée avec moi. J'avais passé 7 années à me boucher les oreilles et à éviter de lui donner une chance de me dire la vérité à ce sujet. Elle m'avait épousé pour l'argent que j'avais et uniquement pour cela. Pour le reste, je l'assommais, sauf dans la mesure où je lui permettais de me torturer. La vérité, c'est que j'étais fou d'elle, qu'elle se fichait bien de moi et qu'elle se demandait même pas pourquoi j'étais fou d'elle. Je n'en savais rien moi-même d'ailleurs. Rien n'était vrai en elle. Elle avait le visage d'une sainte et l'âme d'un serpent. Elle me traitait comme un chien et malgré cela, j'étais fou d'elle. Donc, je me suis mordu les lèvres. Je me suis même excusé de ce que j'avais lancé. J'y reculais comme je l'avais toujours fait. Une fois de plus, j'ai perdu la partie en souhaitant d'avoir un jour la force de tenir et en sachant que je ne l'avais pas. My name's Buzz. These are my Melvins, and this song's called Let It All Be. Nature of my soul. Sorry, man. problem is, if you don't say anything, then people place your thing on you. They say who you are. But then, if you try to, like, steer it all, then you start to feel like you're being, well, at least a propaganda. Of course, like, an issue of creating a false... It's premeditated. Mm-hmm. You're trying to steer people. It. Yeah, you're manipulating it. So... Welcome to Personal Profiles. My name is Jamie Valdez, and I will be your host for today. For this show, we have two very talented guests, Ian Mackay and Guy Picciotto from Fugazi, a music group residing in Washington, D.C. Thank you for joining us. Thanks for having us. What does Fugazi mean, and how did you choose it? It's a slang word that I found in a book about Vietnam, which means sort of a messed up situation in sort of simple terms, and I just thought it was kind of a quite beautiful word, actually, and left sort of open to interpretation. Yes, there is. Okay. Here we go. Our next guests are fly, fresh, dope, and fat. Their new CD, of which I have a copy right here, Ill Communication, entered the charts at number one. And now they're part of the big Lollapalooza tour. Ladies and gentlemen, here they are, Beastie Boys. Kids. Let's go. Ainsi, pendant les 3 mois qui ont suivi, les vocalises ont retenti dans toute la maison. Bientôt, Doris était prête pour un récital à Town Hall. Moins on en a parlé, mieux c'était pour moi. Qu'importait ce que coûterait Town Hall, ce que coûterait la publicité et tout le reste. Ce qui m'a paru le plus affreux, ça a été de battre le rappel de la foule. Je ne sais si vous imaginez ce que peut inventer une snobinette du bottin mondain quand, afin de montrer à tous sa technique, elle se prépare pour un récital. Elle recense tous ses amis et elle les empoisonne pour qu'ils achètent des billets. Elle ne se contente pas de leur demander de venir l'entendre avec des billets de faveur, ce qui déjà serait assez moche à mon sens. Non, elle leur impose de prendre des billets à 2$. Et non seulement elle téléphone à ses amis à elle, mais son mari doit insister auprès de ses amis à lui. Ses sœurs, ses cousines, ses tantes numérotent leurs relations et chacun doit s'exécuter sous peine d'avoir l'air grossier. J'en suis arrivé à ne plus oser mettre les pieds au River Club de peur de rencontrer quelqu'un que je n'aurais pas sollicité, de peur que si je ne le sollicitais pas et que Doris l'apprenne, cela fasse un tel foin que je préférerais encore le bassiner en le tenant par le revers de son veston. Oh, les intellectuels, ça va être pratique lorsque vous remontez Park Avenue avec eux. Mais je ne suis pas comme eux. Je suis un ours qui déteste tout cela. J'ai des raisons aussi. »